Je me suis encore fait larguer, deux fois de suite. Deux fois de suite par le même connard. Waouh. Ah ouais. T'as pas payé? Non mais en plus, j'avais déjà douillé il y a 3 ans, tu te souviens? Et il m'a refait le coup. Le même. Plus un mot. Plus un message, plus rien. Le néant total. Et comme si j'existais pas. C'est exactement ça, putain. Bah ouais, il m'avait refait son petit rentre-dedans, gentil machin. Putain. Ben heureusement, hein, il m'avait dit que si j'étais dans la merde, je pourrais habiter chez lui. Ah ben, ben là, je vais être dehors bientôt. Connard. Gros connard. Ouais. Je sais. Et puis là, il y a à peu près un mois, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis hier, il m'a dit, bon, ben, comme on avait dit, que c'était rien de sérieux. Enfin, ben, on en arrête là. Putain. Je vais finir lesbienne. C'est dire que je me suis tapé Paris. Au moins deux fois par an. Ah ouais, mais putain, la poisse, c'est rien du tout. C'est du jamais vu, c'est grandiose. Je peux pas parler là parce que tout est enregistré. Mais...